Vous vous apprêtez à écouter Relaxing Jazz Music, Background Chill Out Music, Music for Relax, Study, Work. Thank you. Restez avec nous, on est ensemble pendant 3 heures. Oh. La flemme. La flemme. La flemme. Oh yeah. Thank you. Thank you. Yeah.